Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors Anaïs, aujourd'hui il est question dans le journal de l'histoire du procès de Nelson Mandela et de ses camarades de l'ANC. Donc c'est un procès qui a eu lieu en 1963-1964 à travers un film, Accusé numéro 2, le procès de Walter Sisulu. C'est un film de Nicolas Champeau et de Gilles Porte. Nicolas Champeau et Gilles Porte avaient déjà réalisé Le procès contre Nelson Mandela et les autres, sorti en salle en 2018. La singularité de leur projet se trouve dans sa matière. Il n'y a pas d'image de ce procès qui a condamné à la prison pour plusieurs décennies les dirigeants de l'ANC, le parti politique, comme on le sait, pour la défense du droit des Africains en Afrique du Sud, interdit en 1960, mais il existait un trésor exhumé pour l'occasion, 256 heures d'enregistrement sonore des audiences du procès qui avaient été conservées. C'est à partir de ces archives que le dessinateur Werd a imaginé un univers animé qui alterne avec les témoignages des survivants de l'ANC. Nelson Mandela et ses co-accusés sont inculpés pour 196 actes de sabotage, ils risquent la peine capitale et refusent d'admettre toute culpabilité devant le tribunal de Pretoria. Le coupable désigné, à leurs yeux, l'apartheid et l'État qui applique cette politique de ségrégation raciale. Le procès commence en 1963 et dure 9 mois. Accusé numéro 2 propose, en réalité virtuelle, une nouvelle déclinaison, une miniature de leur premier film, autour du témoignage à la barre de Walter Sisulu, un des cerveaux du mouvement anti-apartheid. Call accused number 2, Walter Sisulu. Sisulu, you 52 years of age. You were born at Transkei. There that you passed standard 4. Walter Sisulu décline son identité devant la cour après l'acclamation de ses soutiens dans l'assistance du tribunal au cri de « le pouvoir au peuple ». Interrogé pendant 2 semaines par le procureur qui tente de démonter la marginalité de l'ANC en vain, Sisulu poursuit la stratégie convenue de faire de ce procès une tribune politique. Il dénonce l'arbitraire policier vis-à-vis des Africains et refuse de donner les noms de ses coreligionnaires qui ont échappé au coup de filet de Rivonia. Le ministère public ne s'interdit rien puisqu'il argue que les Bantous n'auraient aucun désir de participer à la vie citoyenne sud-africaine et donc d'obtenir le droit d'y exprimer leur vote. Condamné à la prison à vie comme ses compagnons, Walter Sisulu passe 25 ans derrière les barreaux. Il est libéré en octobre 1989, quelques mois avant Nelson Mandela. 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. 27 années de sa vie se sont écoulées, 27 années passées derrière les barreaux. Démarche hésitante, comme surpris par cette foule, comme surpris par cette liberté tant attendue, Nelson Mandela marche, la main de Winnie, sa femme, dans la sienne, serrée. L'homme, le symbole de la lutte du peuple noir, est ovationné. En signe de victoire, Nelson Mandela lève le poing, mais il ne parlera pas. Nelson Mandela ne parlera pas à ce moment-là, mais il parlera évidemment bien plus tard. Et il est élu président de la République d'Afrique du Sud en 1994. Et c'est Walter Sisulu qui dirige le parti redevenu légal entre leur libération et cet acmé de l'histoire de l'ANC. Les réalisateurs d'Accusé numéro 2 inventent les images manquantes sans pour autant imposer une visualité de l'histoire exclusive. Les juges sont incarnés, ridicules, juchés sur leur solennité outrée au service d'un simulacre de justice. À la fois sobre et outrancier, le trait offre un corps à ses voix, sans les soustraire à l'histoire, sans leur offrir un caractère romantique déplacé. Walter Sisulu défend sa cause devant nous, bien qu'il soit mort en 2003. Accusé numéro 2, c'est sur arte.tv. Diantre, quelle belle chaîne. Vous pouvez retrouver aussi le film originel en séance de rattrapage sur le même site internet. Et tous les liens se retrouvent sur la page de votre journal, Anaïs Quien, sur le site de France Culture. Merci beaucoup Anaïs.